lecce, leccero. Se tu se create, ta capteu pa. Mon ami, tu sais que dans la vie y'a y'a des morts. Ils ont dit que c'était fini, mais je prends de le recul. Immobilier.